Bonjour, vendredi matin, le 5 août. Je pensais faire un live demain. Habituellement, c'est le samedi que je fais ça. Mais ce matin, je suis allé voir un petit peu les commentaires. Puis, il y a quelqu'un qui disait, attention, faire la différence entre le gnosticisme et la gnose. Puis là, il y avait un lien vers une vidéo très longue que j'ai pas tout écouté, j'ai juste regardé le début. Bonjour Camille, tu règnes le château. Puis c'est pour ça que je me suis dit, on va faire un live, puis j'aimerais ça parler le mensonge cosmique. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme quelqu'un qui vous dira, oh, attention, là, il y a une différence entre la calomnie et la médisance, c'est pas tout à fait pareil. Peut-être au niveau d'un discernement, mais il reste que ça fait partie de toutes les mêmes choses. Donc, le mensonge cosmique, c'est dès que l'individu va considérer, va penser, puis va penser que c'est sa pensée, va penser qu'il y a la vérité, c'est-à-dire que par la connaissance ou par une science occulte ou par un lien de commerce avec d'autres plans, il peut remonter à sa source. Ça, c'est toujours de la manipulation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, peu importe la forme que ça va prendre, peu importe les dérives que ça va prendre, c'est tout le temps du mensonge, c'est tout le temps de la manipulation. L'être humain n'a pas été éduqué à comprendre que l'invisible est menteur. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Mimi. Donc, c'est comme ceux qui veulent instruire les morts. Il y a beaucoup de gens dans le supramental qui sont des instructeurs du plan de la mort. Or, le problème avec ces plans-là, c'est que même si on procède à un dévoilement de la forme, il n'y a rien qui peut être vérifié empiriquement. Et par expérience, je peux vous dire que les morts sont beaucoup, beaucoup plus habiles à manipuler, semble-t-il, que les vivants. Ils obéissent à des lois. Bonjour, Elisabeth. Ils obéissent aux lois de leur monde, à eux. Puis les lois du monde de la mort, c'est pas d'être instruit. Oui, Bernard, il avait dit, oh, l'homme nouveau va instruire les morts, oui, justement en enregistrant dans l'expérimental du nouveau. Ça n'aura pas le choix de aussi au niveau de sa vie incarnée, active, créative. Là, on peut parler qu'il va y avoir une instruction des plans de la mort, on n'a pas le choix. Mais dès qu'il y a une communication télépathique, puis que la personne va être dans l'illusion qu'elle instruit des morts, par exemple, c'est de la manipulation. Et ça va être extrêmement complaisant. C'est-à-dire que c'est très flatteur, ces plans-là. Ils vont tout le temps être d'accord. Et puis, finalement, le but, c'est qu'il y ait toujours un lien, de conserver un lien télépsychique avec les vivants. Pourquoi? Pour lui prendre de la force vitale, tout simplement. Donc, ce qui va servir de prétexte, c'est les aspects naïfs de l'être humain, sa bonne volonté, son besoin de se valoriser, son besoin de donner un sens à la vie, à sa vie, même si c'est pour instruire des gens qui, au fond, ont rien à faire de l'instruction. Ego de l'homme, oui. Dans le sens que, comme si vous parlez, par exemple, ceux qui ont ce défaut-là d'aimer discuter avec ce qu'ils pensent être des désincarnés, ce qu'ils pensent être des morts, parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est invérifiable. Ben, souvent, ils vont amener des choses, une instruction, dire, par exemple, ah, dans vos plans, là, on voit le Seigneur nulle part, mais sa lumière est partout. Puis là, les morts vont acquiescer, dire oui, c'est vrai, puis là, tomber dans l'idée, ah, la lumière. Puis après, vous vous rendez compte qu'ils sont complaisants, qu'ils vous donnent toujours raison. Mais si vous les prenez au dépourvu en disant, ben là, c'est parce que c'est pas vrai, il n'y a aucune lumière dans votre plan. Il y a juste les reflets de la mémoire de la lumière, si on peut dire. Là, tout d'un coup, ils vont finir, oui, mais, puis là, ils vont continuer. Mais il reste que c'est tout le temps de la manipulation. Tout ce qui est invisible, tout ce qui est dans l'invisible, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout le temps de la manipulation. Ça cherche tout le temps à manipuler là. Tout le temps, les vivants. L'être humain est censé rayonner de sa propre lumière vivante. C'est une autorité, si on peut dire. Mais on essaie de lui voler. Ça fait partie des mensonges de la connaissance. Bonjour Marine. Bonjour Virginie. Donc, ce qui arrive souvent, vous allez vous rendre compte que l'être humain a un savoir, mais il est coupé de sa source, donc il ne sait pas qu'il sait. Puis on va servir de la connaissance pour le manipuler, pour l'amener dans du marchandage avec l'invisible. Or, c'est là que ça devient très, très subtil. Ça devient... Parce que l'être humain, il veut croire. C'est ancré en lui. Il veut croire à ces choses-là. Il veut être utile. Il veut être quelque chose de bien. Il veut se donner la puissance d'être capable d'instruire l'invisible. Ou alors, il va tomber dans l'autre facette de ce mensonge-là, qui est d'être instruit par l'invisible. Alors qu'on ne peut pas se fier. On ne peut pas se fier d'aucune façon. Il faut être vraiment... comme par exemple, il y en a qui vont être dans le supramental puis ils vont dire, ben moi, je préfère instruire les morts. Parce que les vivants sont des têtes de cochon, puis les morts sont beaucoup plus reconnaissants. Il y a un piège, là. Il y a un piège très, très subtil, là. C'est pas bon signe que les morts soient pas têtes de cochon, qu'ils soient complaisants, qu'ils soient flatteurs, qu'ils soient satisfaits et qu'ils aient tant d'amour pour l'être vivant qui va les instruire, entre guillemets. Le seul but, c'est d'être en lien télépsychique avec du vivant. Pour se nourrir de la lumière de l'homme. C'est encore un jeu de dupes. Donc, tête de cochon, ben oui. La lumière que l'invisible reflète est celle que les gens envoient. Ça fonctionne par réflexion. Et voilà. C'est pour ça que cette idée-là, c'est d'être soit instruit par l'invisible, soit d'avoir la capacité d'instruire l'invisible, peu importe le plat, ça va faire partie de ce qu'on pourrait appeler le mensonge cosmique. C'est quoi ça? Le mensonge cosmique. Ben, c'est le fait que l'être humain, au fond, il y a des contreparties sur chaque plan. Puis ici, justement, il se vidait de l'idée de la connaissance, qu'il se vidait de l'idée que par la science occulte ou par la connaissance, il peut remonter à sa source. Ça se ferait tout seul. C'est-à-dire que si on se débarrasse d'une certaine subjectivité, il va s'aligner des corps. Puis à un moment donné, ça va passer. Je veux dire, pas besoin de... C'est pour ça que j'ai de la difficulté avec tous les enseignements ésotériques qu'il y a eu. Peu importe le courant, peu importe l'école, peu importe le type de connaissance par rapport à l'occulte, pourquoi est-ce qu'on parle de connaissance occulte? Je veux dire, pourquoi on parle de l'invisible? C'est parce que justement, on est ignorant, mais pas ignorant dans le sens qu'on ne sait pas. Ignorant dans le sens qu'on veut croire. On veut croire et puis ce qui fait notre affaire, c'est des choses qui font notre affaire. Or, on devrait toujours se méfier. C'est pour ça qu'il est écrit de prier le Père seul. Si on sort du côté théologique de ça, puis tout ça, de ne pas prier des morts. Il y a quelque chose là-dedans qui ne marche pas. L'être humain perd de l'énergie, il perd de la lumière. Bonjour Sophie. Donc, bonjour tout le monde. So Adas. Donc, c'est surtout ça. Ça finit toujours, en tout cas, puis même quand il y a des contacts avec ce qu'on pourrait appeler des entités très brillantes, là, qui, justement, vont apporter des preuves vérifiables, puis des choses comme ça, il reste que ça reste dangereux. Ça reste toujours dangereux dans le sens que il va toujours y avoir un aspect de manipulation. Il y en a tout le temps. L'être humain doit s'instruire à sa source, à lui. Puis il doit manifester son intelligence à lui. Puis c'est là que ça devient complexe. Pourquoi je voulais, par rapport à ces intelligences-là, il y a quelque chose qui m'est venu, c'est reparti. Même Richard, j'ai arrêté d'écouter, il me gonfle une fois, j'ai laissé un commentaire qui mène les gens autour qui mène les gens autour de peau, de potes. Même Richard, vous parlez duquel? Il y en a plusieurs. Bonjour du Gers, c'est doué, oui, ah oui. Donc, Marie-Jeanne Glenna. Ben, c'est drôle, ça vous a pris du temps, vous, avant que j'étais enfant, que je le trouvais déjà. En tout cas, ben, il fait quand même un travail, là, pour rendre à César ce qui est à César. Donc, bonjour, Man Over the Shapes, vous devez être français, vous aussi, vous vous exprimez en dans la langue qui est en train de devenir la langue de la France. Mais tout ça pour dire que toutes ces choses-là, dès qu'il y a une quelconque fascination, même au niveau de ce qu'on pourrait appeler un cheminement spirituel, dès qu'on commence à être extrêmement satisfait puis à considérer ces choses-là comme des connaissances précieuses, on est manipulé, je veux dire, tout de suite. Dès que l'être humain est fasciné par un savoir qui ne vient pas de lui, il est manipulé. La fascination, c'est de la manipulation. Pareil, j'écoute plus personne. Moi, des fois, je vais aller voir par curiosité. C'est un peu comme prendre les nouvelles du monde, comment ça va en ce moment. Ça donne une bonne idée. Comme par exemple, des fois, ça m'est arrivé d'aller écouter de temps en temps, là, d'aller voir ésotérisme expérimental, puis c'est pour prendre le pouls, dire telle gang, comment ils vont. Est-ce que ça va bien ou pas? Bonjour Trinity. Donc, vous savez, toutes ces choses-là, ben finalement, on voit par rapport à l'histoire, on voit ben, avec les années, on voit, ça mène nulle part, ça remène aux mêmes choses. C'est comme si on retourne tout le temps à une espèce de statu quo par rapport à l'invisible, que certaines instances semblent vouloir entretenir à tout prix, empêcher. Si on peut écouter, mais il faut prendre la distance et faire un tri. Moi, ben, ce qui arrive quand j'écoute des choses comme ça, c'est que je vais avoir ça me force un contact qui corrige à mesure l'information. Marie-Jeanne, pas compris votre dernier poste. Mimi, exact, voir où c'est rendu. Ben oui. Parce que, en prenant le pouls comme ça, on peut avoir des petits repères. Ça fait des égrégores. Moi, ça dépend de ce qu'on entend par là. Mais c'est tout le temps une histoire de... C'est de la mémoire, hein? Beaucoup, l'égrégore. Marie-Jeanne, vous parlez de potes. Ouais, je parlais de tourner autour du pot. Je sais pas trop. Mais oui, il y a quelque chose par rapport à l'égrégoriel, ça va être de la mémoire qui va avoir une certaine fréquence. Puis même là, on peut le sentir, ça. Comme quand vous vous mettez à lire sur les saints catholiques, là, ça a un certain niveau de fréquence. Puis c'est très fort. À force de lire sur les expériences des mystiques, par exemple, bon matin, Michael. À force de lire sur les expériences des mystiques, on finit par avoir des phénomènes rattachés au mysticisme qui vont se manifester. La même chose que quelqu'un qui est tout le temps en train de lire sur des phénomènes de hantise ou de possession peut finir par avoir des phénomènes. Mais c'est lié justement à... C'est comme se brancher sur de la mémoire, se brancher sur de l'expérimental qui est mort, au fond. Parce que c'est passé. Puis ça se réactualise dans le présent à travers la fascination chez les individus. Bonjour, IHU. YHU, Man Over the Shape, un bon jeu de mots, Marie-Jeanne. Hein. Donc, par rapport à toutes ces choses-là, moi je m'en fous qu'il y ait différentes branches, dans le sens que, bon, il y a eu le gnosticisme, ensuite ça a été récupéré, ça a engendré différents courants, ça a engendré différentes choses. Après, on va avoir parlé la gnose comme la connaissance. Mais drette là, c'est tout pareil. Qu'on remonte à la source par de la connaissance ou par de la spiritualité ou par les sciences occultes, l'être humain n'est pas supposé avoir affaire à de la mémoire pour tourner à sa source. C'est ça qui l'en coupe. Il y a là quelque chose de paradoxal. Je parle de Richard, Glenn Noranda TV. Il promène les gens dans l'illusion et des gens, ils pensent qu'il est le Messie et qu'il va sortir les gens de mauvaises situations. C'est pas lui le sauveur. Je l'ai jamais vu se proclamer le Messie. Ben, c'est un peu comme si je donnais le rôle d'un intermédiaire avec... Aujourd'hui, on est à l'époque des anges technologiques. Là. Donc, sacrée volonté pour sortir de tous les filtres. Oui. Ben, faut en avoir souffert. Faut en souffrir un peu. Les gens qui tombent dans le spiritisme ou des choses comme ça, ils finissent par en souffrir. Ça peut détruire leur vie. Il y a des gens qui ont détruit leur vie à faire tourner des tables. Pourquoi? Parce qu'ils prennent au sérieux ce qui était canalisé, là, entre guillemets. Puis, des fois, ils sont pas forts, hein. surtout pour la finance, ces choses-là, c'est préférable de savoir moins compliqué. Moi, il est loin d'être le seul. Moi, c'est ça. Il y en a plein. Dès que quelqu'un là, va se présenter comme autre chose qu'un humain, qui est lui-même en expérience, il faut se méfier, là. Et on en a eu assez, là, prenez tous ces grands personnages, tous les tellement fascinants. Puis même jusqu'à un certain point, au niveau de la spiritualité, il va y avoir des récupérations, même quand le personnage est sincère, comme Edgar Cayce, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que l'expérience n'était pas réelle, mais qu'est-ce qu'il y a l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe au fond? Même en France, on dit tourner autour du pot. Ah, tourner autour de pot. OK, oui. En tout cas, c'est pas bien ben important, hein? C'est pas bien ben important. Marie-Jeanne, je suis internationale. Ah bon, citoyenne du monde. L'affaire, c'est que, bon, on fait des catégories. On fait des catégories. Moi, je ne me considère pas comme international. Je le suis au sens technique, mais dans le sens des catégorisations subjectives engendrées par la sociologie, entre autres, la politique. Donc, bonjour Mathieu. C'est pas très important, là. C'est pas très important dans le sens, qu'est-ce qui est universel? Ben, l'universel, déjà là, en tant qu'humain, on est une sous-catégorisation déjà, en tant que manifestation de l'universel. Monsieur Correct. France ou Québec, les origines sont les mêmes, citoyens du cosmos. Moi, tant qu'à faire, on pourrait dire que le malgache, les origines sont pareilles. Là, on va finir par. Peux-tu développer la volonté? Est-ce qu'on est armé par cette énergie? Qu'est-ce qui l'anime? Ça dépend. La volonté, ça dépend. Il y en a qui, on va dire, ils ont de la volonté, mais au fond, c'est le corps de désir qui s'exprime, c'est-à-dire des forces animiques. Il y en a d'autres qui vont vraiment donner une direction à l'énergie. Là, on peut parler de volonté, mais c'est ambigu un peu. La volonté réelle, ça ne sera jamais lié à la polarité satisfaction-frustration. Jamais. Puis, des fois, même, la volonté réelle va aller contre les désirs de l'ego. Ça arrive. Pour des gens comme Richard Glenn, c'est pas de sa faute, c'est soit d'être centrique pour ne pas se faire magnétiser moins. Mais moi, je suis pas là pour. Moi, Richard Glenn, je suis pas là. J'ai pas à faire. J'ai pas à le juger, là. On peut juger le stock, on peut juger le matériel, mais là, faire attention, pour commencer à avoir une vendetta avec. Des madames ésotériques de 70 ans, ça ne me tente pas. La volonté réelle va contre les programmes. Oui. C'est pour ça qu'il va y avoir des conflits. Il va y avoir de la lutte. C'est-à-dire que même il va y avoir un combat entre la personnalité puis l'être réel. C'est-à-dire qu'au niveau de la subjectivité engendrée par l'expérience, il va y avoir une lutte. Il va avoir un combat, c'est-à-dire comme quelqu'un qui, dans sa vie, va être allé à cause de son environnement, de ses expériences, va être devenu alcoolique, par exemple. Il faut qu'il y ait un combat avec la personnalité, parce que ça fait partie de la personnalité, c'est pas le moi réel. Donc, la personne, comment est-ce qu'elle va devenir intégrale, comme développer un peu une conscience intégrale, elle va se rendre compte que ça lui nuit, puis être en colère. Puis c'est là, il y a une lutte là, entre la personnalité puis la personne réelle, qui est un potentiel inutilisé qui va chercher à se manifester. Mais pour ça, il faut combattre le côté circonstanciel de la personnalité. Mais c'est là, ça devient des. Bonjour Isabelle. Richard Glenn a sa fonction. Ben oui. Je sais pas, je peux pas. J'ai connu 300 de la volonté. Les trois centres de la volonté. Man, je ne suis pas né ni en France ni au Québec. J'aimerais être né au Québec. Ah, vous savez, ça ne change pas grand-chose. Dans le fond, pas tant que ça. Marie-Jeanne, après l'énergie, ah, parlant de vous, l'énergie va où? L'attention va donc n'en parler plus. Je pense pas nourrir dans l'énergie. Les fameux programmes, ils sont réellement implantés depuis l'astral. ou ne sont-ils pas simplement la constitution de l'âme égo? C'est parce que l'astral se constitue avec l'expérimental humain. Donc, il y a un jeu. Je sais pas, là, c'est... Il y a un jeu entre les deux. C'est-à-dire comme le monde de la mort. Le monde de la mort est nourri par les vivants. Mais même s'il peut y avoir un dynamisme pour engendrer une forme de vampirisme plus fort, il risque... Ça part ni d'un côté ni de l'autre. Il y a eu un accord tacite inconscient. Toujours. Ah si, j'adore votre accent. Bon, tant mieux, parce que j'ai jamais, je pense pas que je m'en défraie. D'aucune façon. Mais vous savez, c'est il y a longtemps, dans certaines régions de la France, c'était l'accent de tout le monde un peu. Mais c'est vieux, oui. C'est vieux, c'est des... J'ai en tout cas, j'imagine que je ferais fureur dans, le... dans les fêtes médiévales. En tout cas. Mais il reste que c'est toutes ces choses-là, le fait qu'il y a... C'est comme que vous me disiez, là. Plutôt, le fameux programme sont réellement implantés depuis l'astral. Pas nécessairement. Mais ils vont servir à... Dans le sens qu'il y a des plans de la programmation, semble-t-il, puis l'astral lui-même, il semble être soumis à ça. Donc, c'est-à-dire, même les gens désincarnés, il semble qu'ils suivent des processus programmés. Mais la, ils vont chercher à influencer la programmation, c'est-à-dire, par exemple, en influençant des leaders qui vont fonder des nouveaux courants, des choses comme ça, et ils vont créer de la nouvelle programmation qui sert de support. Puis après, bon, ça finit que ça devient toutes sortes de choses. C'est évident, Glenn permet à certains mesmériser de se prendre un choc à l'heure. À un certain moment de l'expérience, l'homme en accord besoin de ça pour que le voile tombe. Moins, ben, c'est que moi, on pourrait considérer ça comme ça. L'affaire que je comprends pas, c'est qu'il y en a, ça leur, même après 45 ans, ils sont encore, il n'y a plus de choc encore. Donc, c'est jamais l'ego d'en bas qui vient chercher l'énergie d'en haut, mais l'énergie en haut qui vient chercher l'initié en bas. Ça dépend de ce qu'on entend par l'initié. Mais oui, habituellement, c'est quand il y a une évolution, on va appeler ça comme ça, ou bien le début d'une conscience intégrale, ça va être lié à des chocs. C'est-à-dire, c'est jamais l'ego volontairement qui se lance là-dedans. Puis, de toute façon, ça ne fonctionnerait pas. J'aime bien quand tu ris. Ah bon, sommes-nous des algorithmes biologiques? Non. Parce que l'être humain multidimensionnel, c'est unidimensionnel, ça, l'algorithme biologique. Là. La chair, ouais. C'est parce que la chair est animée. Vous pensez que c'est pas intelligent, la chair? Il y a un mental cellulaire. L'ADN est un algorithme. Je ne le vois pas comme ça. À mes yeux, c'est de l'âme. Donc, la programmation en mouvement. Donc, pourquoi y en a qui font un lien entre les brins d'ADN et certaines formes antiques qui auraient été vues dans des... Tout second, comment se fait-il que nous trouvons des pierres extrêmement anciennes sur lesquelles les anthropologues disent « Ah, s'ils ont gravé des serpents ». Oui, mais si vous regardez la forme, vous allez voir que c'est des spermatozoïdes. Puis plus loin, une autre forme qu'eux identifient comme le soleil, vous allez voir, ça ressemble à une ovule ou une cellule. Donc, de pas non plus, quand je parle là, le mensonge cosmique puis tout, ne pas non plus... sous-estimer les gens très sensibles du passé. D'envisager tous les possibles. L'âme colorée, algorithmique. Moi, mais même, je fais une différence entre la coloration et l'âme. L'âme, oui, est colorée, mais les forces de l'âme, c'est justement parce qu'au niveau de l'ego, il y a une certaine pollution, puis parce que sinon, l'être humain, il pourrait totalement se soumettre aux forces de l'âme. L'ego devrait totalement se soumettre aux formes de l'âme, aux forces de l'âme, pas les formes, là. Mais ça reste... À 75% d'eau, l'eau garde la mémoire, moi. Là, on tombe dans des choses, c'est parce que c'est pas l'eau, là. Il y a ce qu'on pourrait appeler de la mécanique vibratoire. Puis l'eau est un support. Je peux se voyez, là. Parce que l'affaire, la mémoire de l'eau, il y a eu, bon, il y a eu tout ce qu'il y a eu par rapport à les théories, par rapport à, voyons, comment est-ce qu'on appelle ça, là. Voyons. Je me souviens plus, là, les petites granules, puis on tape les boîtes, puis après, il y a eu ce médecin japonais qui a fait des expériences par rapport à l'eau. Dans le fond, c'est la mécanique vibratoire qui fait que l'eau peut servir de support. Mais c'est pas la mémoire de l'eau. C'est la mémoire, mais je dois partir, je prendrai la suite en différé. Bon, ben, bon samedi, Virginie. Bon samedi, on est vendredi. Ah bon, vous êtes peut-être déjà samedi. Man over the shapes, quand tu en es à un point où tu observes l'ego se batailler dans ta conscience, ben ça l'est ça le début de ce qu'on a appelé le surmental. Dès que vous vous rendez compte, Masaru Emoto, c'est ça. J'en ai marre d'être pauvre, je suis artiste peintre et pour gagner de l'argent, je fais des jobs nuls car je n'ai pas de formation, donc je suis très mal payé. Est-ce que tu trades pour des gens? Ouais, ben, déjà que je trade, je le fais pour moi, là. Puis, c'est pas toujours. J'ai un peu que ça soit rentable, mais bon, j'oserais pas le faire pour d'autres. Mais, vous savez. Il y a un enregistrement de Bernard que vous aimeriez peut-être, c'est la fausse carrière. Je ne suis pas en train de dire que le fait d'être peintre est une fausse carrière, mais j'ai été aussi dans ces domaines-là. Puis comme vous, j'avais pas de formation, mais les résultats que j'avais, que j'obtenais au niveau de la qualité, étaient à ce que le public considérait mieux que ceux qui ont des formations. Parce que, bon, vous savez, être artiste à peintre. Le talent, ça s'apprend pas. Ça s'apprend pas aux beaux-arts. Mais là, jusqu'à un certain point, c'est des groupes où il y a des gros égos. Je parle le monde culturel, puis il y a des jalousies qui se créent, puis on finit qu'on est tanné. On finit que. Mais, vous savez, l'affaire où j'en ai marre d'être pauvre, ben, la plupart des gens, par exemple, t'sais, je veux dire, le monde du supramental, c'est pas nécessairement un bon exemple pour venir riche. La plupart, ils ont eu des problèmes d'argent. Ça faisait partie de leur programmation, peut-être. Mais non, je pourrais pas faire du trade pour les gens, là. J'oserais pas. Mon beau-père a subi une transplantation de rein et a développé des goûts et habitudes différentes par la suite, exactement celle du donneur. Ben, ça l'est ça, la mécanique vibratoire. C'est lié à l'âme. Puis même, vous savez, là, ce qu'on a appelé le mental des cellules. Les liens entre le cellulaire puis la mémoire, puis ça devient. Je ne sais pas, quand j'étais plus jeune, il y avait un film. C'était un film. D'horreur, ça s'appelait La Griffe. Je pense, c'est un tueur en série qui avait été exécuté, puis donnait ses organes à du monde, ce qui est quelque chose du genre. Puis les gens finissaient par avoir les mêmes perversions que le gars. Puis même, il y en avait un là-dedans, il me semble, c'était un peintre, puis il s'était mis à peindre des horreurs. Mais quand le héros du film vient le voir, puis il dit T'es possédé, dans le fond, puis toi, tu dis, je m'en fous, maintenant mes tableaux se vendent. Au niveau de l'ADN et l'âme, oui, ben c'est lié. L'ADN puis l'âme, c'est une partie très dense, très matérialisée de l'âme, qui sert justement au niveau de l'incarnation. Quand vous héritez, par exemple, d'une pathologie de quelqu'un, c'est du karmique quelque part, mais pas au sens où on le parle habituellement, pas au sens de la spiritualité, mais c'est beaucoup plus concret. Tu es là et tu identifies clairement un personnage déblatéré face aux programmations extérieures altérité et tu lui dis ferme ta et apprends du silence du vide. Moi, ça dépend de quoi vous parlez, mais habituellement, tout contact au niveau télépsychique, c'est à éviter. Ça dépend avec quoi. Mais après, il y a moyen d'avoir une autorité. Bonjour, Valila. Marie-Jeanne, oui, avec des changements des organes, il y a la mémoire avec les organes, mais oui. L'homme réel, il n'est pas mémoire. Tout le reste, c'est toute la programmation. Tout le reste. Donc, c'est pour ça là, qu'il y en a qui vont être réfracteurs dédaigneux au don d'organes, au don de sang. Bon, ça dépend comment on voit ça. Mais une personne qui aurait une très, très haute vibration, qui est très, très. Quelqu'un de très, très, très centrique, vous aurez beau lui greffer les organes de n'importe qui, lui transfuser le sang de n'importe qui, il n'y aura pas de. Ce qu'on pourrait appeler la vibration du receveur va toujours être plus forte. Donc, ça va annuler, si vous voulez. Sophie Delbas définit tu seulement ta richesse par rapport au pécunier. Vous savez, pécunier, il n'y a pas de masculin féminin, c'est pécuniaire à IRE, comme ferroviaire. C'est une erreur qu'on fait souvent. Mais par rapport à l'argent, si vous développez un contact avec ce qu'on appelle le double, il va vous dire pourquoi vous êtes pauvre. Puis possiblement que ça va vous mettre en colère. Mais ils vont vous le dire, ils vont vous expliquer ça. Ils vont dire, c'est mieux que tu sois pauvre en ce moment parce que puis, ils vont tout le temps justifier ça par au niveau expérimental. Qu'est-ce qui est. Là, souvent, ils vont dire, t'as pas encore la maturité pour gérer de l'argent. Mais ce qui n'a aucun sens, c'est des excuses qu'il ne faut pas prendre. Ça, c'est des petits tests. C'est des petits tests. Il ne faut pas prendre tout pour du cash, justement, de ce qui va être dit. Comme souvent, moi, on m'a fait cette excuse-là, que oh, t'es pas encore prêt à jouer. Venez pas rire de moi, là. Je crois pas ça, là. Perso, le troisième œil, je l'ai arraché. Ah, ça dépend de ce qu'on veut dire par là. Marie-Je Michaud, bon matin. Carole Michaud. Je sais pas pourquoi vous appelez Marie. Pour une fois, je t'enlève. Moi, je suis rendu à un point où. Que j'ai un grand vide, même le supra-tout semble compliqué. Je crois plus en grand-chose. Ben, c'est correct, ça. C'est là que ça commence. En tout cas, c'est une phase importante. Et surtout le supramental, il n'y a rien à comprendre. On a beau avoir Bernard, qui pendant des années, de temps en temps, je suis choqué, il me dit, ouais, mais il n'y a rien à comprendre. Le jour où vous aurez compris, vous ne viendrez plus me voir. Qu'est-ce que vous voulez? Pour une fois, j'étais OK. Le contact avec le double, ça, les communications télépathiques, c'est un raisonnement clair qui sort de nulle part. Difficile en deux, trois mots, c'est ça. Puis même là, des fois, on va être pas d'accord parce qu'il y a du réel dans ce qui va être dit. Mais même là, dit, ça peut être juste une transmission de quelque chose, dans le sens que c'est pas nécessairement, ça va pas prendre la forme de des mots. Puis, un moment, je me rappelle, à un moment donné, ça allait pas. Ça fait longtemps de ça. Puis, j'étais malade. Puis, là, j'avais dit, là, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Puis, tout d'un coup, j'ai eu la transmission, une transmission claire, clairement, de moi. Où je me suis vu comme si j'étais en dehors de moi, puis je me voyais. Je me voyais objectivement pour la première fois. Puis, j'ai vu pourquoi ça allait pas bien. Je l'ai vu pourquoi ça allait pas bien. Parce que j'étais dans la subjectivité de mon expérience, puis j'étais en train de me caler dedans sans m'en rendre compte. Puis j'étais en train de me faire avoir complètement. J'étais dépassé par des événements que j'avais engendrés. Puis ça, à cause de ma subjectivité. Puis ce genre de vision-là, très, très claire, très, très frappante, ça donne un choc. Ça va souvent donner un choc qui va permettre de briser de la programmation. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu la volonté de faire l'effort, de demander avec une colère mentale, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, J'aurais jamais eu une vue claire de ce qui allait pas et de ce qui se passait. J'aurais pas eu les chocs nécessaires pour briser cette programmation-là. C'est difficile parce que c'est pire que de se remettre en question. Quand vous vous voyez, là, comme vous êtes là, ça peut être un flash qui dure juste quelques secondes, puis vous vous voyez clairement qu'à quel point vous n'êtes pas intelligent, parce que je suis pas plus. C'était par manque d'intelligence que ça allait pas. Tout était à la fois de ma faute et pas de ma faute. C'est-à-dire c'était dû à de la subjectivité. Puis ça donne des chocs. Puis une fois qu'on a intégré le choc, qu'on a absorbé le choc, là, ça brise de la programmation. C'est-à-dire que vous allez être tellement en colère par rapport à ce qu'on pourrait appeler une réalité, vous allez être tellement en colère que ça va vous donner la volonté et l'énergie nécessaire de retourner les choses. Donc, Steve, avant, il y avait autre chose, enfin, pour mon cas. Carole Michaud, c'est transitif. Oui. Bonjour, Bertine. Bonjour tout le monde. Bonjour, Steve. Sylvie, Sylve, bonjour à tous et tous. Bon, bonjour. Mais c'est ça. C'est que si, à un moment donné, vous vibrez vraiment, dans le sens que vous subissez un état de vie, une situation qui vraiment est inconfortable, vous êtes tout le temps à gérer les choses qui vous tirent de l'énergie, puis que ça crée chez vous une colère, puis que moi, vous vibrez assez fort pour demander, dans le sens que pas vous demander à quelque chose, ou vous dites je veux savoir pourquoi, puis que vous avez vraiment une vibration de colère, vous allez avoir des choses qui rentrent, vous allez avoir de l'information sur vous. C'est là, ça dépend, là, des fois. Carole, je suis comme vous, ça fait des années que je vis la même chose et j'ai arrêté d'écouter la radio, la télé, les CD, plus rien ne m'intéresse. C'est normal. Dans le sens que il y a un paquet de monde qui ont passé par là, je veux dire, dans le sens que c'est typique. Man over the shapes, non, mais ça fait trop longtemps que j'en ai pas. Et dans ce monde, c'est nécessaire. Ouais, mais vous devez bien avoir le minimum. Au fond, vous savez qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressé à un moment donné. Vous savez, moi, je faisais même pas la différence entre une action et une option. Je comprenais rien. Je comprenais rien à la finance. Puis j'avais un ami avec qui je parlais souvent que lui, il avait dit là-dedans. Puis je comprenais rien de ce qu'il m'expliquait. Absolument rien. Puis finalement, il est décédé. Puis après qu'il soit décédé, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à comprendre. Puis c'est là que je suis allé au-delà de ma crainte. Puis je suis allé au-delà de mes appréhensions. Puis j'ai décidé que j'allais transiger des valeurs mobilières, que j'étais capable. Puis finalement, les premières semaines, j'ai eu des succès. Puis finalement, par après, bon, c'est devenu différent, mais il reste que c'est... Je comprenais rien. Hein. Ça rentrait pas, c'était abstrait pour moi. Puis finalement, quand cet ami-là est décédé, c'est devenu plus clair. Comme si un peu en mourant, il m'avait laissé de la connaissance un petit peu de ces choses-là. J'arrive pas à l'expliquer. Là, j'en manquais. J'ai arrêté de shaker, essayer d'entrer en contact avec le double depuis un bon moment, car les tests, il faut en parler. Si ça a de l'humour, ça en a. Pas cool, car les êtres pris perso, moins. L'affaire, le double, souvent, les gens sont en communication avec puis ils ne savent pas. Il y a des pensées qui leur viennent très claires, très précises. Ça passe par là puis ils ne savent pas. Puis quand on s'attribue le mérite de certaines choses, on est coupé en bout de temps. Donc, c'est subtil, là. C'est, ne subissez pas la matière, moins. Il ne faut pas vous oublier qu'on projette les travers de l'ego sur ça. Le double, ce n'est pas un ego. Le double, il n'y a pas de personnalité. Pourtant, des fois, il agit comme si c'était le cas. Mais ça vient de nous. Des gens, ils me disent comment... Ça se fait que tu n'écoutes plus la télé, mais je me sens bien sans tous ces artifices. Moi, j'avais fait couper la télévision autour de 2005. Puis il y a du monde autour qui ne comprenait pas pourquoi je faisais ça. J'ai même mis la télé aux poubelles, carrément. Puis finalement, là, ils finissent par comprendre. Mais c'est devenu, ça l'a empiré, hein, le côté manipulateur de la télévision. Ah, l'argent, ben oui, mais c'est le support, c'est un support pour l'énergie. En tout cas, c'est lié l'aspect synthétisation, puis aussi, c'est lié à ces collectifs. Hein. Puis c'est pas réel. Mais comme support, c'est pas réel, c'est lié à un consentement collectif. Mais il reste que les effets puis les conséquences sont réelles. En tout cas, le système énergétique en nous est ouais, une énorme caméra, un miroir sans forme, invisible, énergie, prenant tout l'espace, devenant immense tout en étant immobile, ce fluide d'énergie qui coule à travers. Ouais. Même là, un énorme courant. Léo Bagan. Bonjour Léo. Man over the shapes. Sophie Delbassa, vous parlez. Je vais vous dire comment je vois les choses. Avant d'essayer d'être riche en pécuniaire, il est nécessaire d'abord de se savoir riche tout court. De toute façon, c'est une question de créativité. Puis aussi de. C'est une capacité de gérer de l'énergie. Donc, c'est plus subtil que l'argent. Je veux dire, c'est général, ça. Donc, ça va se refléter dans l'argent. Entre autres, quelqu'un qui n'est pas capable de gérer son énergie, ça va se refléter dans l'argent. Parce que toute ma vie, je suis venu à bout d'économiser. Toute ma vie, là, même quand j'avais aucun revenu, je venais à bout d'en mettre de côté. Puis, j'ai souvent côtoyé des gens qui avaient d'extraordinaires salaires. Il y avait énormément d'argent, puis ils étaient tout le temps endettés, ils n'avaient jamais. Même, il y a des gens qui sont venus m'emprunter de l'argent, qui gagnaient là, par année là, 10-15 fois de ce que je faisais. Donc, imaginez, là. Ça donne quoi d'être riche si on est pauvre? Vous êtes mieux d'être pauvre puis d'être riche, dans le fond. Vous allez au moins avoir une potentialité d'être riche pour vrai. En tout cas, est-ce possible que mon double profite d'un moment où je prends l'apéro pour me descendre en tête? Ça se peut. Mais même là, c'est une structure de transmission qui va tout le temps être près de vous. Des fois, c'est moins fort, puis on pense que c'est pas là, mais c'est là quand même. Les fois là, où je l'ai senti le plus proche, c'est quand je vis certaines expériences. Puis même des fois, dans certaines situations, tout d'un coup, là, je vais me faire dire de me calmer ou d'attendre ou des choses comme ça. Mais même là, c'est dangereux. Bon, je ne prends rien pour du cash. Je ne sais pas, dans le fond, si c'est le dos. C'est pas si vibratoire à un moment donné. Il y a un discernement qui se fait. On finit qu'on reconnaît, mais même là, moi, je ne prends rien pour acquis, vraiment. J'ai fermé la télé, ça fait 10 ans, et j'ai lu des livres en masse. J'ai écouté des gens sur YT, mais là, on dirait que je suis dans un néant. Rien croire, rien m'intéresse. Ben, d'une certaine façon, vous êtes dans une phase comme ça. Puis, il y en a pas mal que, bon. Vous allez voir, ça pourrait revenir. Mais là, le problème, c'est le contexte collectif. Le contexte collectif fait que ça peut être dangereux de retrouver l'intérêt. Dans le sens que si on se met à avoir de l'intérêt et à prendre à cœur ce qui se passe en ce moment, on peut perdre la force vitale parce que il s'en vient, semble-t-il, des choses déplaisantes pour tout le monde. Comment vois-tu le processus de descendre l'énergie dans nos corps, le but de ce processus? Je ne le vois pas en fonction de but, dans le sens que pourquoi la rivière coule par là, c'est parce que la gravité fait que. Donc, puis comment avoir le. Je veux dire, c'est surtout des choses qui sont ressenties. Donc, voir, ça devient abstrait un peu. L'argent. L'art des gens égale l'énergie. C'est parce que l'argent, c'est un support pour l'énergie. Puis là, rendu là, il faut être capable d'intégrer du luciférien sans le polariser, c'est-à-dire là, de faire à mesure, puis être capable quand même d'avoir une objectivité par rapport à ça. Ça devient difficile. Surtout si vous avez une éthique très... Moi, une des choses qui m'empêche beaucoup, qui m'a beaucoup nuit dans ma vie, c'est cette espèce d'éthique rigide-là que j'ai. Comme une fois, on m'avait offert un emploi pour vendre de l'assurance. Puis je ne peux pas faire un métier comme ça. C'est impossible pour moi parce que vendre de la sécurité d'esprit à des personnes âgées en échange de paiement, je ne peux pas faire ça. Il y a quelque chose intérieurement qui m'en empêche. Donc, au niveau éthique, des fois, ça fait partie peut-être aussi le côté moral. Encore mais ça ne veut pas dire de devenir totalement immoral, mais il faut avoir du discernement. À force de tourner en rond, je vais finir par avancer un jour, j'imagine. C'est parce que c'est le motif de la spirale. Si vous ne tournez pas en rond, que ce n'est pas un cercle fermé, soit vous êtes dans une spirale évolutive, soit une spirale évolutive ou involutive. Il y a tout le temps. Donc, est-ce que vous allez devenir centrique puis rayonner? Parce que ça va dans les deux sens. Le double n'a pas besoin d'apéro. Non, mais si vous, quand c'est assis, si vous, c'est à cette période-là que vous êtes disponible, que vous n'avez pas trop de stress, puis bon, ça peut convenir. L'abondance qui est importante, si on se sent en abondance, nous le sommes, moi. Je vois un problème, là. Dans le sens, il y a du monde qui sont confortables dans la merde, puis ils se disent, oh, mais je suis bien. Je sais pas, là. Dans le sens, c'est correct de se satisfaire de peu, mais des fois, il y a un petit côté, on abandonne, hein. Léo, bon, vous parlant de vous, merci, suffisamment fort, détaché, même cela dépend d'un programme à mes yeux. À quel point les livres sont-ils mieux que la télé? Ouais. Ça dépend ce que vous lisez. Bon, moi, les livres, vous avez le contrôle. Je veux dire, la télé, on ne choisit pas les programmes. Hein. Créativité, l'art de trouver des solutions. Ouais. L'argent n'est qu'un symbole, pas juste, pas seulement. Parce que là, on entre dans le magique. L'argent, c'est pas juste un symbole, c'est un support. De toute façon, un symbole, c'est un support pour l'énergie. Donc, ça devient... L'éthique ne nuit pas la réelle. Oui, ça peut nuire pareil. C'est pour ça qu'il y en a qui ont fini martyrs. Il y avait une bonne éthique, elle était réelle, mais ils sont morts pareil. Ce qui t'empêche de faire certaines choses, c'est l'esprit qui ne fait pas n'importe quoi, peut-être. Mais même là. Marine, vous parlez à Marine. Le mieux est l'ennemi du bien. Très luciférien. Soit il est possible de visionner. Oui, mais le bien, l'envers du faux. Dans le sens que, dès qu'on est dans l'intellect polarisé, on est dans le luciférien. C'est ça, Lucifer. Dans le sens, les reflets. Les reflets. Parce qu'aujourd'hui, le rôle de porter la lumière, c'est Saint-Michel. Ben ça, on tombe dans des choses, je ne peux pas prendre ça pour du cash, mais il reste que, techniquement, là, le principe de Lucifer, il y a eu une chute dans l'espace-temps. Donc, bon, c'était des jeux de reflets, c'était l'intellect, entre autres, dominé par la connaissance. En tout cas, la créativité, ben oui, dans la merde, tout est relativement, oui, mais il reste que... C'est parce que ça devient des défaites, ça devient des excuses, puis ça m'enrage, ça me choque. Il y a du monde qui sont vraiment dans la merde, ils vivent d'une façon qui n'a pas de bon sens, puis ils vont crever 20 ans plus jeunes à cause de ça, puis ils vont dire « Ouais, mais je suis bien pareil, je suis riche. » Ben oui, t'es tellement riche, ils sont sous hypnose de d'autres plans, puis ils ne savent pas. Puis ça les tire vers la mort, toute leur force vitale est tirée vers d'autres plans. Ils se ramassent à 40 ans, ils en ont l'air de 60. Puis ils sont « Ah, oh, mais je suis bien, je me satisfais. » Satisfait. Mais oui, t'es bien. T'es bien parce que ça arrange même ce qui te mange, ça arrange ceux qui sont en train de te manger. Je suis bien, mon guide m'a expliqué que j'étais bien. Bon, ben parfait. Mais arrangez-vous avec, là, je veux dire, dans le sens que si la personne est bien, puis qu'à cause de ça, elle va crever plus jeune, puis aucune créativité dans sa vie, puis elle se fait tirer toute sa force vitale par toutes sortes de choses. Ben oui, eh bien. Elle n'est pas dans la merde, non. Elle va dire, c'est relatif, je suis pas dans la merde. Ben oui, la personne est rendue à vie dans une maison mobile avec une vingtaine de chats. Ça sent tellement l'urine puis l'ammoniaque que les yeux nous coulent en rentrant. Elle va dire, je suis bien, je suis pas dans la merde. Ben non, hein. L'argent est un outil, moi. Perso, dans la merde, c'est des cycles qui sont de plus en plus courts. Moi. Le piège épicurien, moi, bon, ça dépend ce que vous entendez par là, parce qu'il est épicure par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui les épicuriens, ce serait très différent. Les objectifs, moi, hein. Bon matin, ah bon matin, valeureuse, mais qui, comment se fait-il qu'il faille arracher son autonomie, son indépendance dans la vie suite à une initiation? Ben, parce que ça ne peut pas être autrement. Ça fait partie des lois évolutives. Des lois de l'évolution. L'être humain, il y a tout. Mais il faut qu'il ait la capacité. Je veux dire, c'est comme si vous aviez plein d'argent à la banque, mais que vous n'aviez pas encore. Ah, Léo, j'ai pas eu le temps de voir. Vous n'avez pas encore l'âge requis par un notaire ou un testament pour pouvoir en user. Donc oui, l'être humain, il est riche, il est pas dans la merde, il est plein de ressources, ben oui, mais il sait pas s'en servir. Donc, il faut qu'il soit mis en expérience pour être forcé. Sinon, il ne servira pas de ses ressources insoupçonnées. Puis aussi, il faut y avoir un apprentissage de gérer ça. Parce que là, il y a de la gestion qui se transfère. C'est-à-dire, on est à une époque où l'être humain va tranquillement sortir un petit peu de la programmation. On ne pourra pas avoir tout le temps des plaques de pierre gravées qui lui disent ça c'est bien, ça c'est mal. Il va falloir à un moment donné qu'il le voit, qu'il le sache automatiquement. Ça devient, mais il faut profiter de la richesse qu'on a. J'en connais un, il dépense jamais pire qu'un clochard. Alors, moi, ben là, c'est parce qu'il y en a qui ont de. Il y en a qui. C'est des avares, tout simplement, par habitude. Vous savez, là, dans le conte de Noël de Charles Dickens, la vraie histoire originale, vous avez l'esprit des Noëls présents. Plutôt un gros bonhomme barbu. Puis à un moment donné, Scrooge se rend compte qu'il y a des petits êtres déformés qui se tiennent après lui sous sa robe. Puis il demande, c'est quoi ça? Il dit, c'est l'envie et l'habitude. Donc, là, je vous dis ça de mémoire, là, mais j'avais trouvé ça très intelligent. Très intelligent. Très difficile quand on est dans la dépression. Ben oui, mais là, si ça va pas bien psychiquement, ça pourra pas aller bien le reste. Puis si ça va pas bien le reste, ça peut affecter psychiquement. Donc, à un moment donné, c'est quoi de la dépression? C'est de la manipulation, mais souvent, c'est l'ego qui lui-même se manipule. Il comprend pas ses propres mécaniques, puis il s'enfonce dans une spirale involutive, justement, puis il perd de l'énergie. Il perd de l'énergie psychique. Il faut qu'elle aille quelque part, Peux-tu expliquer... Oups, vous allez vite pas mal. Peux-tu expliquer simplement, polariser, merci, désolé de ne pas pouvoir chatter avec vous, toute ma connexion lag trop. OK. Ben, la polarisation, c'est l'intellect humain, mécanique. C'est-à-dire que l'être humain, il va être polarisé dans le sens, il va tout le temps tout diviser en deux catégories. C'est subjectif. Dans le sens, il va dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça j'aime pas ça. Puis c'est tellement une habitude ancrée dans l'être humain que l'être humain, il finit que tout est tout noir ou tout blanc, puis il voit plus la nuance. Et là, il perd de vue ce qu'on pourrait appeler le réel. Parce qu'il a trop densifié les formes pensées dans son intellect. Ça devient une coque qui subjectivise la réalité puis qui vient déformer tout. Donc, c'est un peu l'ego devient une lentille qui déforme les choses. Puis, souvent, les gens polarisés, c'est là qu'on le reconnaît, ils vont être beaucoup dans l'intellect puis aucune place pour la nuance. Donc, c'est ça, quelqu'un de polarisé dans son mental. Comme vous avez des gens, ils vont rejeter certaines choses puis les identifier, ah, oh, ça vient de Satan. Puis, finalement, là, ils ont découvert une vérité, puis ils vont dire, ah, oh, ça vient de Dieu. Mais c'est tout le temps subjectif. Parce que la vérité, c'est l'envers du faux. Ça fait partie du mental polarisé. L'être humain devrait toujours se dire, soit c'est réel, soit ça ne l'est pas. Puis essayer de vérifier empiriquement. C'est quelque chose de très récent. de très récent. L'être humain n'est pas habitué d'avoir du discernement. Il préfère polariser parce que pour des raisons de confort psychologique. Parce que des fois, ben, c'est jamais tout à fait blanc ou noir, là. Tout est des tons de gris à l'infini, au fond. Avec lui, il colore par projection. Donc, j'ai-tu manqué des choses, là? Bien, l'Épicure satisfait de vivre, OK. Dans son baril, c'est pas Épicure, ça. Mais Madame Marine, je parle bien d'Épicure satisfait de vivre dans son baril. Vous vous trompez avec Diogène de Sinope. Épicure puis Diogène, en plus, c'est complètement différent. Là. Les Diogène de Sinope, lui, c'est de Sinope, c'est le cynisme. C'est le fondateur des cyniques. Mais c'est juste une petite nuance, là. Sophie Delbas, ok, pour l'info, polariser, ramener tout à du vrai du faux. Moi, je suis pas. Ou un instant, ça va trop vite, là. Moi, je suis pas riche, mais manque de rien. Ben oui, c'est correct. Mais ça veut pas dire que ça serait mauvais d'avoir plus. Ou que des fois, on manque de quelque chose, qu'on ne sait pas. Là, on va être mis en condition de s'en rendre compte. C'est-à-dire, il va arriver une situation des fois. Ramener chaque manifestation dans la matière à l'ego qui va le classer, répertorier. Oui. Être vraiment tanné, ça m'a propulsé un solide pied dans le cul. Oui. Bonjour, Marius. Man over the shape. J'ai un blocage avec les femmes. Ah. Ouais, ça serait lié à votre expérience, là. Passée, entre autres. Puis peut-être que ça va jusque dans l'enfance. Fait que. Même la psychologie conventionnelle peut vous aider avec ça. Il y a toujours une polarité dans les pensées, oui. Ben oui, si vous observez comme il faut, vous allez vous rendre compte que c'est des formes. Puis que ça fait partie de la mécanique du monde de la polarité. Qu'on le veuille ou pas, parce qu'il y a une spatialisation formelle. C'est un peu comme. Comment je pourrais dire ça? Dès qu'il y a une tridimensionnalité de la forme, mais même au niveau des formes pensées, il va y avoir de la polarisation. Que, bon. Valeureuse, quel cul. OK. Léo. Léo, oh. Que oui, par la suite, les pensées peuvent se simplifier. Voilà, ça va aller plus vite. Puis, c'est parce que le processus mental est un ralentissement. C'est étrange, hein, de dire ça. Mais on finit par se rendre compte qu'on réfléchit pour rien, puis qu'on savait déjà, puis qu'on ralentit l'énergie, on essaye de gérer en ralentissant l'énergie par le processus mental, que c'est un ralentissement, alors qu'on pense qu'on va plus vite. C'est le contraire. Ça devient un petit peu subtil, là. On tombe dans la psychologie évolutionnaire, là. De plus en plus, quand quelque chose me fait chier, je mets ça sur pause et je me dis, oh no way, je vais l'utiliser, ça est ça a mon avantage. Moi, ben oui, même qu'on peut se servir du négatif. Chose qu'on n'a pas été éduqué à penser ça. Dans le sens, c'est des affaires qui se pensent plus. Rendu là, on n'est pas en train de penser, là. On est en train de gérer pour vrai. Dans le sens qu'il vous arrive une situation, au lieu de la catégoriser comme mauvaise, vous êtes déjà dans le mouvement. Pas besoin de réfléchir. Enfin, une adaptation à quelque chose qui ne vient pas de nous. Être réel, moi. Bon vendredi, Eugénie. Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour de France. Beaucoup de Français qui. C'est drôle, j'ai plus les gens de l'île de la Réunion. Il y avait beaucoup de gens de ce département-là. Puis, bon, on se passait à d'autres choses. J'espère juste qu'ils ne sont pas tombés dans des choses qu'il y a sur leurs îles, là, des cultes. En tout cas, ça va tout le temps être mon but, c'est de, justement, qu'à un moment donné, moi, je ne suis pas là pour dire. Prenez tout ce que je dis pour du cash, je suis là pour dire qu'il n'y en a pas de cash. On ne peut rien prendre pour du cash, rien. Puis aussi d'être dans le mouvement, de tout le temps vérifier ces mécaniques-là, ces processus-là, parce qu'on ne le fait pas assez, on ne l'a pas fait assez. Et oui, passer d'enfance, femme psychologique, psychologie conventionnelle, quoi, pas trop. Chapeau, valeureuse. Perso, je mets ça dans le fond de toilette. Ah bon, non. Marie, votre avis sur la mort d'un proche? Mon père, quand il a décédé 3 semaines avant, je savais, et c'est comme si c'est moi qui vis cette mort. Moi, au moment de mourir, tous les signes sont disparus. Je sais pas ce que je voulais dire par les signes. Mais quand on est proche au niveau émotif là, de quelqu'un, ben il y a des liens psychiques. Dans le sens qu'il va y avoir une sympathie qui va plus loin que la psychologie, c'est vibratoire. Puis c'est lié aussi au fait que les âmes sont toutes liées entre elles. Puis ces liens-là, entre autres, c'est de la programmation. Donc, c'est normal, les proches. Par contre, là, quand vous dites, là, il est décédé il y a 3 semaines avant, je savais. Et c'est comme si c'est moi qui vis cette mort. Ça ressemble quasiment à de la médiumnité, là. Dans le sens, si vous regardez les médiums, ils vont souvent revivre des événements que d'autres ont vécu. Donc, c'est une sensibilité qui peut être. Les peuples créoles sont entre magicaux et religieux. Avec le cycle évolutionnaire, il y a des détachements progressifs. Ben oui. Prenez, il y avait à Montréal, salut Sophie, il y avait à Montréal une mambo qui est pas très connue parce que c'est les vaudouins haïtiens. Puis même là, la plupart des gens qui sont dans cette communauté-là, ils connaissent pas tout ça. Puis à un moment donné, il y en a un en Haïti qui s'appelle Max Beauvoir qui a décidé qu'il se nommait, lui, il s'autoproclamait qu'il y avait eu des votes qui se promenaient, le pape des vaudouins, entre guillemets, si on peut dire. Puis il y a une mambo à Montréal qui a dit non. Moi, je reconnais pas cette autorité-là. Puis elle avait rajouté, en parlant créole, puis elle avait rajouté, elle dit, nous, on est notre propre chef, on est notre propre chef-tête. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une évolution, là. Dans le sens que même des gens qui sont dans le magico-religieux, comme vous dites, ils peuvent avoir des éclairs de lucidité extrêmement frappants. Ça va souvent être lié à des conflits. Puis, donc là, il y a eu comme une. C'est la Mambo Kerline, la Mambo Kerline de Montréal. Donc, puis pourtant, je ne suis pas lié à ces gens-là d'aucune façon. Mais je regarde ce qui se passe. Je regarde. 3 semaines, mon cou a gonflé et problème au niveau des poumons, la respiration, pleine d'autres signes. Ah oui? Bon vendredi, Jacques. Ouais, ça, je trouve ça un petit peu inquiétant parce que ça montre. C'est comme si vous avez métabolisé l'expérience. C'est comme si au niveau de vos émotions, ça devait être sensible. Dans le sens que votre corps a réagi, puis il faut qu'il y ait un lien fort, là, vibratoirement, là, pour que. C'est le genre de choses que je vais plus trouver inquiétantes qu'autre chose, là. Je sais qui est cette personne. Ah, vous parlez de qui? Marie-Jeanne, Eudem de Quinque, moi. Ah, oh, Max Beauvoir, ben oui. Ah, vous le connaissez. Moi, ouais, c'est une vedette hein, dans certains milieux. Mais bon. Moi, j'ai bien de la misère avec lui. C'est pour ça que j'étais content. La Mambo Kerline qui avait fait une colère. Qui avait. Dit non, non, non, moi je reconnais pas cette autorité-là. C'est moi, c'est surtout qu'elle a dit, nous, on est notre prof chef-tête. J'avais envie de l'applaudir. Puis pourtant, on n'est pas dans le même registre. Hein. Bon, en tout cas, comme le pape de Verdun, un hurluberlu sur le BS qui prêchait l'abstinence et allait boire un pichet de bière aux danseuses, ça me dit, oh oui! Ouais, mais là, ça, on est quasiment on est dans le psychiatrique, là. Ouais, ils ramassaient des petits jeunes, là, puis ils les habillaient en servant de messe, là. Je pense pas que ça se compare, là. Max Beauvois est un petit peu plus. c'est moins, c'est un petit peu plus à prendre au sérieux que ça quand même. Mais je pense que je sais de qui vous parlez là. Bon, on peut parler des troubles d'identité puis de la maladie mentale là. Mais bon, vous savez, il y a des jeunes dans leur jeunesse qui ont manqué d'affection. Toutes sortes d'affaires. Là. J'ai vécu au Suriname, le vaudou est rigolo à côté du phénomène Obia. Même les Africains, ils vont prendre des cours. Ah oui. C'est parce qu'il y a tellement de différents. Il y a tellement de. Mais c'est tout là, les mêmes phénomènes, quelque part. Mais l'approche n'est pas pareille, ça change un peu les choses. Même la Blavatsky est allée en Haïti pour essayer d'étudier ça. Puis elle a dû se rendre compte que, bon. Elle est venue au Québec aussi, elle est allée voir des Algonquins. Puis, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont volé toutes ses affaires. Puis, il a fallu qu'elle fasse des crises, qu'elle donne des coups de poing sur la table pour les récupérer. Elle est partie extrêmement en colère en disant ils ont perdu leur sagesse. Ben oui, mais tant qu'à venir au Québec, il fallait aller voir les Québécois, peut-être. Les Algonquins, c'est bien beau, ils ont bien faim, puis tout, mais bon. En tout cas. Je sais qui c'est. Point. Ouais. Pas un proche. Ah non, moi je me doutais que vous étiez. La plupart des gens qui ont un œil qui passe sur le côté ont un accès médiumnique. Ah, qui font du strabisme. J'en ai connu plusieurs qui faisaient du strabisme, puis ils n'étaient pas en contact. Bon, en tout cas, pas consciemment. Là. Mon mari est haïtien, petite communauté. Ah oui. Ah bon. Ben. C'est une des cultures au niveau de certaines choses qui est juste la séparation là, les différents corps. Puis ces choses-là sont plus avancées. Ils savent certaines choses que ça s'est perdu ailleurs. Mais juste là, la distinction, le gros bon ange, le petit bon ange, ces choses-là, ça commence à être très précis. C'est très, très précis. Comme l'esprit eux autres, les étoiles, là, ce qui est relié au cosmique, puis le NAM, là, les amis là, où je vais avoir des. Il y a certains. Ce qui, où je ne suis pas d'accord, c'est l'approche. Dans le sens que c'est une soumission. Il y a une soumission envers certaines structures de l'invisible. Et là, je deviens plus critique. Aussi à côté trans, possession. C'est jamais bon signe. Même s'il y a tout le temps un hougan qui a autorité puis qui dirige les choses, il risque que c'est. En tout cas. Une préparation de 3 mois, un anneau de biceps leur permet d'être à l'épreuve des balles et de toute lame en métal pour le strabisme. Voir Max Beauvoir en roi un ballot. Vous savez, là, il y en a des Indiens Sioux puis d'autres là, qui faisaient des cérémonies de même pour être à l'épreuve des balles. Mais la cavalerie américaine, ils descendaient pareil. Ça marche pendant que tu es en transe, puis que, bon, OK, là, il y a une coque magnétique comme qui se fait, on dirait. Mais une fois dans le feu de l'action, là, essayez de vous sortir de ces affaires-là. Il y en a qui se sont rendus compte qu'ils étaient abandonnés hein, par certaines forces. Là, ils ne comprenaient pas là, ce qui se passait. C'est parce qu'il y a des programmations des peuples aussi. Puis les Américains, comme peuple, il y avait une programmation qui supplantait celle des Amérindiens, malheureusement. Donc, ils n'ont pas eu la... Au contraire, même, je dirais, l'invisible les a menés en bateau pour qu'ils se fassent achever. Ça n'a pas marché, là. C'est pour ça, faire attention avec ces affaires-là. C'est pour ça que je vous dis tout le temps de la manipulation, de faire attention avec tout ce qui vient de l'invisible. Par rapport à tout, même des pactes avec des forces, là, comme même les vaudouins, il y en a qui s'y ont des cérémonies, se marient avec des lois. Faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça. C'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Puis si on regarde les vaudouins, ils ont tellement de sociétés secrètes différentes. C'est souvent lié au crime organisé. En tout cas. Beaucoup de sorcellerie, point. Puis, moi, imaginez, là, j'irais même, je peux même pas consulter un astrologue. Je suis contre. Fait qu'imaginez l'opinion que je peux avoir de choses, que c'est pas parce que j'observe que. Moi, je suis un observateur. Je ne suis pas rapport à rien. Beauvoir est un biochimiste ou gant. Pour les Indiens, c'était une plume. Effectivement, c'est magnétique. Ben oui, c'est toutes des sciences liées au magnétique. Prenez le colonel de Rochas, qui a fait des recherches sur ça. C'est des recherches sérieuses. Il y en a encore qui pensent que c'est du vent. Les archives sont pas toutes publiques encore. Et pourtant, ça fait un bout de temps, là. Ça date du 19e siècle. Les corps magnétiques, c'est très réel. Fait que, tu sais, c'est certain que ça a des effets, puis c'est très bon. En tout cas, comme qu'est-ce qui s'est développé beaucoup en France au niveau des guérisseurs, puis on a appelé ça le magnétisme. Il y en a qui vont surtout ramener ça à Franz Anton Mesmer, mais c'est pas lui qui a développé le plus ça. C'est des Français, beaucoup. Lui, bon, c'est parce qu'il a fait une théorie, puis. Même Hegel a théorisé là-dessus. C'est Hegel qui est allé dire que le bébé est d'une certaine façon est un petit vampire au niveau magnétique, au niveau du corps de la mère. Bien, bon. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Bon. Il y a du monde qui sont un peu trop sur des choses, moins. Ça dépend de quoi on parle. Mais. Prenez juste au niveau des vaudous, hein, les trois tambours qui vont avoir des rythmiques différentes, puis ça a le même effet que de la drogue. C'est pour disloquer les corps. Il faut qu'il y ait une dislocation pour qu'une entité vienne chevaucher quelqu'un. Donc attention, c'est pas normal que l'être humain soit tout le temps obligé de se mettre dans un état de passivité pour commercer avec les plans. Il y a un problème. Là, on voit que c'est de la manipulation. Il y a de quoi qui marche pas, là. C'est même au sens. En tout cas, je vais devoir cesser bientôt aller déjeuner. Mon mari a été victime à quelques mois de naissance et a longtemps eu des visions de la dite cérémonie sans savoir ce que c'était. Ouais. Ben, vous savez, il y a des liens télépsychiques, qu'on le veuille ou pas. Puis. En tout cas, ça devient. Magnétisme, c'est pour pomper votre énergie. Il faut faire attention avec tous ces énergéticiens. Bon, ben souvent, ils vont jouer, oui, avec des affaires subtiles, mais souvent, c'est que la personne va se guérir elle-même, puis c'est de la suggestion mentale. C'est ça. Là, puis là, les gens payent pour ça. Donc, c'est à ça, là, faire attention un petit peu, là. Effectivement, faites dormir un enfant et un ancien côte à côte. L'enfant s'éveille fatigué, l'ancien pète la forme. Moi, ça arrive. Mais là, ça dépend le type d'ancien. Puis le type d'enfant aussi. Mais prenez par exemple, par rapport au vaudou, à un moment donné, ma grand-mère paternelle qui habitait à Saint-Léonard, elle avait eu une chicane avec. Elle s'entendait bien avec les Haïtiens dans le temps. Fin 80, début 90, commençait à avoir plus d'Haïtiens à Saint-Léonard. Puis elle s'entendait très bien avec ses voisins haïtiens. Puis étrangement, à un moment donné, il y a eu une chicane avec des Haïtiens. Puis ils ont dû voir aussi que c'était quelqu'un qui avait un caractère assez. Un matin, elle se réveille, puis vous savez, les blocs appartements Saint-Léonard, que derrière, c'est des escaliers en tire-bouchon, en fer forgé. Un matin, elle se réveille, il y a une mambo, tout habillée en blanc, avec le foulard, tout, qui est en train de casser des œufs devant sa porte derrière, droite sur sa galerie, là. Quand ma grand-mère a vu ça, elle a pris un balai ou une mob, je ne sais pas trop. Mais la mambo, là, elle a descendu l'escalier en tire-bouchon en culbutant. Ça a été très violent, elle était vraiment en colère, elle a compris tout de suite. Elle a vu tout de suite. Bien, elle n'a plus jamais eu de problème avec ses voisins-là. Je pense que la mambo est allée les voir pour dire, oh, elle est trop forte. Elle est trop. C'est peut-être dire, oh, c'est chevauchée par. En tout cas, ça a jamais recommencé. Mais puis vous savez, les Haïtiens, ils aiment beaucoup. Les femmes, souvent, sont assez en chair parce qu'elles aiment bien manger. Puis bon, c'était une grosse madame, là. Ben, elle a déboulé l'escalier en culbutant. L'escalier en tire-bouchon, elle devait être en piteux état, rendue en bas. Mais là, elle l'a jamais revue. Moi, elle m'avait raconté ça, puis j'en revenais pas. J'espère pour toi qu'elle a pas de pouvoir, tu sais, qu'elle a pas. Puis elle m'a fait regarder et dire, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'en ont aucun. Barnard me l'a dit. En tout cas, au fond, dans le fond, vous avez les vaudois, puis les considérez comme des gens, une gang de fous, puis les supramentalistes, une autre gang de fous. On est tous des fous, c'est la planète des fous. Donc, ça fait un théâtre, puis bon. En tout cas, oui, ça, du cas par cas, oui. Ne jamais avoir de problème avec les Haïtiens, ça devient difficile. Il y en a, bon, ça dépend de l'Haïtien, hein. Il y en a qui cherchent les problèmes. Mais la plupart sont bien corrects, sont bien gentils. J'en ai ici des voisins haïtiens, puis il y a une fois, ils mettaient leur poubelle dans le mauvais bac, puis tout. Puis là, j'étais allé les voir, puis je suis quelqu'un de discret, personne ne me connaît vraiment. Puis quand j'apparais tout d'un coup, là, ils tout, il y a quelque chose, là, j'ai dit, ah là, c'est, le problème, c'est parce que là, les bacs, c'est telle façon, puis c'est ça, les règlements de la municipalité, puis tout. Puis depuis ce temps-là, là, je les vois aller trier leurs déchets scrupuleux. Il regarde la fenêtre vers ici voir si je suis là, là, à surveiller. Bon, je veux dire, c'est quand même, ils sont très réceptifs aux vibratoires. Très, très réceptifs aux vibratoires. Puis, je sens des fois, c'est eux, si je les regarde par la fenêtre, puis je les fixe, c'est pas long qu'ils se retournent, hein, ils se sentent. Pour un oui ou pour un non? Il prépare le chaudron et les âmes damnées, vécu et survécu. Ouais. Mais l'affaire, c'est que justement, les plans sont manipulateurs. Donc, souvent, ils vont penser qu'ils ont une puissance qui est dans le fond, qui ne vient pas d'eux. Puis, quand on s'enorgueillit, c'est le problème de tous les gens qui sont dans de la sorcellerie, qui vont s'enorgueillir de cette puissance-là. Puis là, je ne parle pas juste les Haïtiens, là. Il y en a dans toutes les cultures. Puis, il y en a un français, il avait fabriqué un moule pour faire des volts. Il l'avait fait faire, le moule, il était en argent, avec d'autres métaux. Puis c'est pour mouler un volt, mouler des petites figurines dans ça, ça avait dû coûter une fortune. Une affaire de fou. Mais il y en a dans toutes les cultures. Il y en a qui voient juste des phénomènes mécaniques là-dedans, puis ils relient ça à la physique quantique. Puis t'as donc même des athées qui font de la sorcellerie. Bon, loin de se douter des conséquences. En effet, tu vois certaines femmes avec une certaine identité. Oui. Ma belle-mère était toute menue, mais faite gaffe lorsqu'elle était encore à Port-au-Prince. C'était elle et ses sœurs qui allaient jouer les personnes qui devaient de l'argent ou autre. Ah ouais, vous êtes de la collecte. Moi, j'en ai connu un Haïtien. Lui, il venait de Jacmel. Puis... Il y a la personne qu'on connaît, puis il y a l'autre personne. Il y a l'autre personne. Parce que les gens qui ont des connaissances ou qui s'adonnent à certaines affaires, c'est pas public. Hein. C'est comme un home four, pas besoin de. Vous savez, la place où les Hougans officient, pas besoin d'avoir ça à air ouverte comme en Haïti. Là. Ça peut se faire dans un demi-sous-sol. Ça peut se faire dans un. Il y a des blocs. Il y a des blocs appartements dans le coin de Montréal-Nord, dans le sous-sol, il y a tout. Hein? Les poteaux mitants, puis il y a tout. Puis c'est là qu'ils officient. Puis pour eux, aller jamais dire à ces gens-là, ben c'est pas réel, parce que pour eux, c'est réel. Dans le sens que empiriquement, ils voient les effets, ils voient des choses. Le problème, c'est que c'est pas réel au sens où eux, ils pensent le réel. Dans le sens que, bon, il y a des plans, puis on est un jeu de commerce avec des choses. On est manipulé à notre insu. Il y a même des guerres. Puis l'être humain est très, très, très, très riche en toutes sortes de choses, en énergie. Si vous parlez avec eux, ils vont vous expliquer qu'il faut nourrir ces choses-là. Donc, souvent les gens qui sont là-dedans, ils ne savent pas. Dès que l'être humain veut avoir du pouvoir, dès qu'un individu au niveau de son ego va avoir de la puissance, il va avoir du pouvoir, puis que c'est subjectif, il est sous l'emprise de puissance et de pouvoir. Puis c'est là que ça devient... Bon. Aucun entre le pouvoir, tout être est au service du pouvoir. Aucun être n'a le pouvoir. Ça dépend, parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle dans le supramental être en puissance. Être en puissance, ça veut juste dire que vous devenez créatif au niveau de votre expérience dans votre vie. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été intégrées. Mais ça n'a pas rapport avec le pouvoir, la puissance. C'est pas le. Mais être en puissance, là, puis c'est, ça devient autre chose. Puis souvent, il va falloir abandonner le pouvoir. Pour être en puissance, il faut abandonner le pouvoir, c'est-à-dire le côté subjectif du désir, entre autres. Puis de toute façon, ça va toujours s'assurer que vous avez pas de. Vous voulez pas de pouvoir. Parce que plus vous voudrez du pouvoir, plus on va vous en enlever. C'est quand Bernard disait « Eux, ils échangent avec l'invisible, très intrigué, quelques latences. » Quand t'en parles, moi, ben, je sais pas de quoi vous parlez, là, mais il y avait des liens entre Bernard et Haïti. Faut pas oublier aussi, il y avait eu de l'intérêt pour l'anthropologie étant plus jeune. En tout cas, j'écouterai le début plus tard. Ah bon, ben moi je suis sur le bord. Bonjour Lysia, moi je suis sur le bord de ces... Je vais devoir aller manger. Marie-Jeanne, vous avez pas un problème de réseau aussi chez moi? Oh, ça se peut que ça se mette à bloquer. Bon, si la connexion est mauvaise, je vais arrêter. Peut-être aussi que... Bon, des fois je dis des affaires. Puissance et pouvoir sont antagonistes. Ça passe pas au même niveau en tout cas. Il y a des choses qui peuvent être... c'est pas un jeu de miroir horizontal, hein, ça peut être un jeu vertical. Mais c'est revenu. OK. Mimi, datimi, t'es mimi. Bon. OK, lien entre Bernard et les vaudous. Ils n'ont pas nécessairement... Pas au sens où Bernard, il croyait à ces affaires-là, puis il était initié à ces affaires-là. Pas dans ce sens-là. Mais il y a eu des liens entre Bernard et Haïti. Qu'on le veuille ou pas, il y a des programmations qui font que le peuple haïtien et le peuple québécois, ils ont des programmations ensemble. Puis c'est lié à un destin. Ce qu'on pourrait appeler des destins. Puis c'est la même chose pour, par exemple, les Vietnamiens. Les Vietnamiens ont quelque chose avec le Québec. Tout ça, on pourrait dire que c'est circonstanciel, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. L'affaire, c'est que Bernard, après, à un moment donné, il voulait faire des choses en Amérique du Sud. Puis en Amérique centrale, finalement, ça n'a pas marché. Puis il s'est retourné vers Haïti. Puis c'était plus lié à des choses d'ordre de programmation puis à du karmique qu'avec un réel potentiel qu'il avait à réaliser. La preuve de ça, c'est qu'il y avait une énorme subjectivité par rapport au futur d'Haïti. C'était pas la place où faire des projets, puis il le voyait pas. Même, je me rappelle, ma grand-mère a même a mis des fonds là-dedans, l'espèce d'affaire qu'ils ont voulu bâtir en Haïti. Elle me montrait des photos. Je regardais ça, le bâtiment, avec les petites lucarnes. Je trouvais pas ça très impressionnant, mais elle, y croyait, elle était embarquée dans cette opération-là. Donc... son but, bon, il n'y avait pas vraiment de but, pas au sens où, en tout cas. Bonjour, le pouvoir, ça s'exerce sur les autres. La puissance, c'est quand on est son propre générateur, oui. Oh, ça, c'est parfait, ça. C'est très bien. J'ai eu une programmation avec les Bushinengue, je ne connais pas, Marron d'Amérique du Sud. Ah, je ne connais pas du tout vraiment, là. Totalement ignorant. À un moment donné, j'avais beaucoup de correspondants du Cameroun. Il y a une dizaine d'années, puis je ne savais pas pourquoi. Puis c'était tous des gens de la même ethnie. C'était tous des... Puis à un moment donné, il était question des expériences qui ont vécu là-bas. Puis à un moment donné, en tout cas, c'est subtil, hein, des fois. La puissance, c'est la volonté en action, oui. Mimi, c'est mon petit surnom depuis un bail. Ah. Allô, j'arrive à la fin, on dirait oui, je suis à la veille de laisser. Bonjour, je suis en retard. Ben, prenez l'adresse où vous êtes en ce moment, en haut, vous faites copier-coller, comme ça, même si la vidéo qui est en cours d'enregistrement n'apparaît pas sur la chaîne, vous pouvez quand même, vous pourrez réécouter au moins le début. un petit truc comme ça. C'est comme les gens là, qui ont des bloqueurs de publicité. On va vous donner un petit truc. Vous avez des bloqueurs de publicité, puis le Journal de Montréal ne veut pas s'afficher. Or, on ne devrait pas être obligé de voir des publicités pour lire un torchon ou une feuille de chou. Donc, ce que vous faites, vous ouvrez un autre onglet en navigation privée, puis vous retournez, vous remettez l'adresse du Journal de Montréal, puis il va s'afficher sans que vous ayez besoin d'enlever votre bloqueur de publicité. Ça marche avec la presse, là, de voir tous les journaux. Man over the shapes. Il ne voyait pas, c'est fou. À mes yeux, c'est ça qu'a lancé son début de trépassage. Ah. Ah, les habitants de la forêt. Ah, ça me fait penser justement au Cameroun. Il y en a qu'on appelle comme ça les habitants de la forêt. Ils sont bien, bien calés dans certaines choses. Il y en a un en France qui est issu de cette ethnie-là. Dieudonné. Pourquoi je sais qu'il est issu de cette ethnie-là? Parce qu'il s'appelle Mbala Mbala. Les gens au Cameroun qui. Bon. En tout cas, disons que c'est un bon indicateur de. Puis, des gens qui ont beaucoup de charisme. Charisme dans le sens de c'est des bons manipulateurs, là. Mais beaucoup de charisme, des chefs nés. Il y a un côté. En tout, il y a un côté leader. Un côté leader, c'est des gens d'action pas mal. Comme moi, si je regarde mon profil, je ne suis pas un gars d'action. Je ne fais jamais un chiffre. Les gens qui sont plus dans l'énergie comme la mienne, souvent, ils vont être des conseillers dans l'ombre. Puis là, après, quand il y a de la marde, là, ça tombe tout sur leur dos. C'est tout de leur faute. Bon, en tout cas. Pouvoir et capacité occulte beaucoup développé durant les 400 ans d'esclavage. Le commerce triangulaire, chaque peuple a leur énergie occulte ancestrale. Ouais, mais c'est lié à la mémoire de la race. Donc, c'est lié à l'astral puis à l'âme. D'ailleurs, ces peuples sont des animistes au fond. C'est comme il y en a qui ont chialé que. L'Église catholique avait sauvé les Indiens du paganisme. Les Indiens, les Amérindiens d'Amérique, c'était pas des pagans, c'était pas du paganisme, c'était de l'animisme. C'est pas pareil. C'est pas comme des Grecs puis des Romains qui sacrifient des coqs devant des statues, là. C'est pas tout à fait pareil. Bon, pourquoi? Sans pub, faites ça, défiler la vidéo jusqu'à la fin. Retour, les pubs disparaissent. Ah oui, parce qu'il n'est pas supposé avoir de pubs sur. Ah oui, ok, vous parlez conquérant. Moi, je vais devoir y aller, là, en lire quelques derniers. Ah, vous parlez à Mimi. Le grand sourire des gens d'Antillaise, métisse, africanisante, avec des chicottes blanches, charmées, bref, balam bala. Tu me l'as tiré de la bouche. Admettons, Dieu d'eau est fort. Il est fort au niveau du charisme. Quelqu'un de charismatique. Pour le reste, c'est un bonhomme d'affaires aussi, hein? Mais à part ça, en tout cas, c'est pas de mes affaires. Bon, ben, bonne journée tout le monde.